me plaquer pour la fille du premier. Une rock de value à la langue pendue. C'est dingue, dingue, dingue. Si j'avais un flingue. Le zombie du miroir ne me laisse plus le voir. Cause exercice respiratoire. C'est triste, triste, triste. Fais péter un riff. Seul, la fin des rallyes au sport. La fin des rallyes au sport. Mon rouleau d'ADN, l'oncle de la galaxie, est vraiment sans gêne, toujours lui qui conduit. Il file, file, file, à mes risques et périls. Avenue des Jobards, je suis pas seul sur le trottoir, ni roi ni cavalier, que des fous sur l'échiquier. Des dames, dames, dames, qui me donnent, donnent, donnent, bien que la toile se tisse autour de mes iris. Je suis toujours narcisse, je suis mon genre, je suis mon vice. La fin des rallyes au spa. La fin des rallyes au spa. Un squelette en métal, un crassade, c'est génial. J'aurais plus pour bander qu'un bouton à baisser. Vivement la